Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 12e numéro du mag, un mag un petit peu particulier cette semaine puisque Daredevil oblige du côté de sur nos écrans, nous avons transféré toutes les news ciné-télé du côté de cette émission. Donc beaucoup de choses, les news VF, les news VO, les news ciné et télé, notre sélection parmi les sorties de la semaine, programme très chargé donc on va commencer maintenant. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 12e numéro du mag. Et avec moi cette semaine, le retour de Clément. Bonjour. Joie ou pas, on verra. Byron. Salut. Et Arnaud. Salut. Et puis bah Clément, c'est ton retour dont tu vas nous faire la première news avec Ouais. On va commencer avec les comics VF et Panini a fait une annonce concernant des nouveaux Marvel Select. Oui, donc il y aura une sortie au mois de juillet de Ultimate X-Men tome 2, donc ouais. 328 pages signées par Mylar, Kubert et Rebic. Ouais. C'est pas n'importe quel nom. Et on aura 10 full max, donc ils disent ça comme étant 12 épisodes violents et sans conception, signés par David Lapham et Kyle Baker. Voilà, ça, ce sera au mois d'août, exactement. Et puis Byron, Wolverine est mort, donc on va voir Wolverine partout. Oui, puisque en juillet, ce sera la mini-série Marvel Universe versus Wolverine qui va sortir. Ok, et puis on aura également en août Sabretooth Reborn par Jeff Lubb et Simone Bianchi. Et puis Ant-Man arrive au cinéma, donc Ant-Man va également envahir les rayons des librairies, puisque cet été on retrouvera Je suis Ant-Man, une anthologie avec plein de petites pépites, comme nous dit Panini, et des numéros inédits, donc qui retracera toute la carrière de l'homme fourmi. On aura également un Monster, Ant-Man l'irrécupérable, donc Irredeemable Ant-Man, avec l'intégralité de toute la série de Robert Kirkman, et Philester, donc... quelque chose qui est plutôt sympa. Et puis on aura également, Panini nous le précise, Ant-Man qui sera présent dans le roster des Secret Avengers de Brubaker et Deodato en août, en Deluxe. Voilà pour les news VF, parce que ni Urban, ni Delcourt, ni Glennon n'a fait de news cette semaine, donc on va pouvoir commencer notre sélection VF de la semaine avec deux sorties, mais alors, quelle sortie? Arnaud, tu commences avec le gros morceau de Glénat. Le deuxième tome de Fairy Quest, intitulé Les Parias, de Paul Jenkins, Umberto Ramos et Leonardo Olea, donc un deuxième tome qu'on attend depuis au moins 2 ans. Ouais, 2012 le premier tome. Ou 3 ans. Qui est une réinvention des mythes. Et donc là, on retrouve le petit chaperon rouge et Monsieur Loup qui en ont marre de répéter toujours la même histoire et qui décident d'échapper au conte Grimm et de partir et explorer la forêt sombre. Exactement. Deuxième tome sur une série de 3, donc 13,90€. Vous retrouvez le test de Fairy Quest tome 2 sur Comic Story. C'est un test qui est fait par Arnaud et moi-même. Et puis Byron, deuxième sortie, je disais, et deuxième gros morceau. Oui, Jeff Jones présente Green Lantern tome 0, qui est toujours écrit bien sûr par Jeff Jones. Et au dessin, on trouvera Shane Davis et Ivan Reis, ouais. Dans lequel on verra Hal Jordan, qui était autrefois pilote de l'US Air Force, qui fut renvoyé pour insubordination. Il sera embauché par les industries Ferris pour tester les nouveaux modèles, et il pensait à son avenir, à jamais assombri par son échec visant, mais un extraterrestre mourant. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment l'histoire... des origines, tout simplement. Puisque et ça sort pour 17€. 50. 50. Ouais, 17,50, donc ça contient Green Lantern Secret Origin, donc Elvire. C'est pour toi. Allez, Byron, tu vas continuer, puisqu'on a... on va passer maintenant aux news VO. Décidément, on aura été très vite sur la partie VF. Oui, puisque Marvel a annoncé une mini-série en 5 numéros pour Star Wars, qui sera centrée sur Lando. Elle sera écrite par un auteur très en vogue, très à la mode en ce moment, qui est Charles Soule, et qui sera dessinée et par Alex Maleev. Ouais. Dessinée par Alex Maleev, ouais, c'est le génial Alex Maleev, j'ai envie de dire. Celui qui était sur Daredevil, pour rester dans la... Notamment pour rester dans l'actu, ouais. Donc ça commence en juillet, ça fera donc 5 numéros. Et puis, autre chose concernant Star Wars, l'event L'event Shattered Empire, qui sera scénarisé par Greg Rucka et dessiné par Marco Cecchetto. Voilà, donc c'est le gros event Star Wars qui sera lié à l'épisode 7. Hein. Ça sera ce qui sera chargé de faire le pont entre l'épisode 6 et l'épisode 7 du cinéma. Donc très très attendu, et c'est pour cet automne. Et puis Byron, décidément, on ne te lâche pas, puisque tu nous vas parler du thème des variant covers du mois de juillet chez DC Comics. Oui, puisqu'elle se concentrera sur la série animée Teen Titan Go. Autant dire que je suis hyper content. Elles sont toutes sympas, ces couvertures. Ouais, elles sont... Ouais, très cartoon, Il y en quoi. a 23, ils les ont diffusés sur Internet. C'est très cartoony, quoi. C'est très frais. Pas comme les titres d'ici en ce moment. Un petit tacle. Voilà. Ça, Complètement. c'est dit. Parce que bon, on va quand même pas se mentir, hein, Convergence, c'est quand même bien du Blackard. Hein. On en a rien Ouais, à bah en plus, foutre, c'est du surtout. vieux, quoi, donc Ouais. c'est du vieux, mais c'est aussi du vieux dans le style, hein. Mais C'est du coup, c'est bien parce que du coup, bah, ça fait de l'argent en bah, pas moins à grosse pause, dépenser. hein. Moi, j'achète rien, voilà. On est là, tranquille. J'ai testé le numéro 0 et le numéro 1, j'ai dit non, c'est bon, c'est pas pour J'en moi. ai testé aucun. Même Ils ont rappelé, Marvel. Ah c'est mince. une catastrophe. Ah ouais? King qui est sur la série principale, à la rigueur, sans tir, mais c'est pas intéressant, donc on s'en fout. Bref, on reviendra peut-être un jour sur Convergence. Allez, on va vous faire maintenant notre sélection parmi les titres qui sortent en VO demain du côté des USA. Convergence numéro 3, hein, comme chaque semaine. Voilà, si ce que je vous ai dit et ce qu'on vient de vous dire à l'instant ne vous en a pas dégoûté, bah, vous pouvez toujours continuer. Par contre, ce qu'on peut vous recommander, c'est Suiciders, le numéro 3 de Liber Mero, justement, qui sort demain du côté de chez Vertigo. Le retour de l'oncle Picsou, Uncle Scrooge numéro 1 chez IDW. Ça, c'est pour moi, clairement. En plus, j'adore la couverture. Captara numéro 1, une nouvelle série chez Image Comics dont on vous avait parlé à l'époque de l'émission sur la Image Expo. Captara, pourquoi elle est dans la sélection? C'est parce que c'est Chip Zdarsky qui est l'auteur, le scénariste de cette série, donc Howard the Duck et Sex Criminals évidemment, avec des dessins de Keegan MacLeod, rien à voir avec Highlander, qui nous raconte en fait une expédition dans l'espace qui bah, forcément va tourner mal, et ça a l'air complètement barré à l'image de tout ce que peut proposer Chip Zdarsky. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est un numéro qui coûte 3,50$. Et puis Star Wars 4 sort également demain. Et du côté des TPB, Arnaud? Va parler de Batman 66 qui sort son volume 3 en hardcover. Donc c'est les numéros 11 à 16 qui parlent en fait du combat entre Batman et Robin avec le Joker, le Pingouin, la Reine des Diamants, je ne connais pas, et un Bat-Robot. Ensuite il y a le quatrième volume de X-Files saison 10. Donc avec les numéros 16 à 20, c'est pour les fans de la série en attendant le retour de la série sur la Fox. Voilà, sachant que ça pourrait être lié avec cette saison 10 en comics. Donc Ça peut être intéressant de jeter un œil, ouais. bonne raison d'essayer. Et un TPB de Mark Millar et Duncan Fregredo qui s'appelle MPH d'Image Comics. Voilà. Batman 66, dont on vous reparlera. Voilà. Juste, sachez-le, on vous en parlera. D'ailleurs, j'ai recommencé à regarder la série cette semaine. Et c'est toujours aussi cool. On va passer maintenant aux comics de la semaine que j'ai choisi de prendre en charge cette semaine. Puisque vous le savez, la semaine dernière est sortie l'anthologie Marvel, Nous sommes les Avengers. On s'était quitté la semaine dernière en disant, on va quand même aller regarder en librairie, hein, des fois que ce soit bien, des fois que Panini ait fait bien les choses, qu'ils nous aient séparé les épisodes, qu'ils aient bien bossé, quoi, contrairement à ce qu'ils avaient fait sur X-Men. Donc je suis allé en librairie, je l'ai ouverte comment dire, sans trop de confiance, et puis bah je l'ai acheté. C'est faible. Je l'ai acheté parce que Panini a fait un super boulot, tout simplement. Les épisodes sont séparés, avec les couvertures. Avant chaque épisode, il y a une page écrite, une vraie page de contenu rédactionnel qui situe l'histoire, quand est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on va découvrir, pourquoi ils ont sélectionné ça, est faite par le staff de Panini, tous les rédacteurs qu'on connaît qui font les contenus éditoriaux dans les mags. Bah voilà, ça y est, Panini a compris comment on fait une anthologie et enfin le fait bien, le bouquin est bien conçu, hein, c'était pas le reproche qu'on pouvait lui faire avant, hein, la couverture est chouette, il y a une maquette sympa, etc. Enfin, c'est un bouquin de bonne qualité, mais voilà. Et puis bah là voilà, enfin on a des choses satisfaisantes, on a de la remise en contexte, on a des couvertures, on a des épisodes séparés, on passe pas d'une époque à l'autre, d'une page à l'autre sans être prévenu, enfin voilà. Panini a franchement fait du bon boulot. J'avais dit que si c'était le cas, je serais le premier à défendre ce bouquin. Et ben voilà, je le fais aujourd'hui. C'est un peu bon mea culpa, hein, puisque j'avais un peu présumé des qualités de ce livre. Franchement, il vaut le coup d'œil. En plus, les histoires qui sont sélectionnées dedans sont très très sympas. Donc, si vous voulez découvrir les Avengers, avant de voir le deuxième film, ou si vous voulez les commencer en comics, etc., bah voilà, vous avez un peu toutes les époques, et le boulot est bien fait. Donc, pour 22 euros, 320 pages, voilà. Donc, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous le conseille. C'est un vrai twist, ça. Allez, maintenant on va passer à l'actu ciné et télé, puisque on vous rappelle, vous n'aurez pas l'actu ciné et télé dans sur nos écrans pour cause d'une heure de débrief de Daredevil. Donc ça suffisait bien. Nous allons donc passer à l'actu ciné et Clément, tu vas nous parler d'un trailer qu'on attendait peut-être un petit peu plus tard, mais qui a fuité. C'est Encore une fois, du côté de la Warner, on ne sait pas fermer les vannes. C'est ça. Donc c'est encore de la com loupée hein, chez la Warner Edition. On peut pas. Bon, c'est de la com de Warner. Oui, voilà. C'est. On se demande s'ils ont vraiment une com, quoi. Le trailer devait sortir lundi. Ouais. Et comme il a fuité, ils ont été obligés de le sortir. Du coup, il est sorti vendredi. Vendredi soir. Vendredi. Que dire? Quand t'as le. On en parlera après, mais quand t'as eu le trailer de Star Wars le jour d'avant. On va dire que c'est moins chaud pour Batman des Superman malgré tout. Ça annonce quand même un film vachement sombre. Ça va être une ambiance assez particulière. Parce que t'en doutais? Non, je m'attendais peut-être pas à ce que ça soit aussi. Non, honnêtement, je m'attendais pas à ce que dès la bande annonce, voilà, il y a la scène super sombre. On aperçoit naturellement un Batman vite fait, qui a l'air bien badass. Enfin, moi, ça me plaît, mais voilà, ça m'a pas. Enfin, limite, ça m'a léché. Ça. Voilà, ça fait à peu près un quart d'heure que Clément a fait son retour, et ben voilà, ça y Mais est. non, mais t'es méchant. Ça m'a laissé assez de marbre, quoi. Ouais, j'attends, mais voilà. Ok. Pas sensationnel. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce trailer de Batman v Superman? Bof. Bon, Bof. moi, je l'ai trouvé plutôt cool. Enfin, le Batman, il a l'air quand même Ouais. bien badass à la petite réplique. Ouais. Mais en même temps, il montre pas grand-chose, quoi, en fait, Oui. finalement. Si tu regardes bien, il y a Ça pas... reste un teaser Ouais. qui sort dans un an. Ouais, voilà, et c'est vrai que ça donne vraiment envie, mais j'ai pas... C'est déjà hypé à fond, quoi, Il est D'accord. bien, mais il te fait pas non plus grimper au plafond. Il Moi, c'est ça, te ouais. présente certains éléments, ça t'intrigue. J'aime bien l'idée que Superman n'est finalement pas vu comme le Ouais. sauveur, qu'il y a des gens qui doutent de lui. Et après, voir comment ça se développe. Là, c'est qu'un petit teaser Oui, pour c'est annoncer ça. la couleur. Ok. On va donc enchaîner avec Wonder Woman. On va donc du côté de chez DC Warner. Et Wonder Woman a perdu sa réalisatrice puisque McLaren, j'ai oublié son prénom. C'est pas Michel. Michelle McLaren a donc claqué la porte du film. Elle a été très vite remplacée, hein. D'ailleurs, j'ai complètement oublié le nom de la nouvelle. Tellement ça. C'est celle qui devait réaliser Thor 2. Oui, c'est ça. C'est celle qui était déjà attachée sur Thor 2. Je Patty. Elle avait complètement. aussi quitté la porte, Ouais, elle claqué la avait. porte. Ouais. Patty Jenkins. C'est ça, Patty Jenkins. Donc voilà, elle a quitté. Donc Michelle McLaren a quitté le projet pour raison créative, on va dire. Après, il y a plusieurs rumeurs, plusieurs infos, plusieurs reports, comme on dit, qui sont sortis concernant la véritable peut-être raison de son départ. Ça serait peut-être le fait que le film que souhaitait faire McLaren était trop axé sur l'action et trop badass entre guillemets Alors que pour Warner, pour une Warner. femme ne se bat pas. Voilà, alors que Warner veut un Un film plutôt autour de la personnalité du personnage, truc etc. sentimental. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? On ne le sait pas, évidemment. On n'aura jamais de confirmation de tout ça, ou alors avant quelques mois, années. En tout cas, voilà. Un projet qui part de la plus mauvaise des manières possibles. Moi, ça m'étonnerait pas parce que c'est un projet un peu maudit. Oui, non mais. Whedon avait essayé de faire un film il y a plusieurs années, La il a série claqué la télé a porte aussi. pas La série télé marché. n'a pas fonctionné. Là, le film. Elle a l'air mal barrée. Enfin bon. Voilà, on ne touche pas à l'Amazon comme ça, visiblement. Allez, on va rester dans les trailers, Clément. Ouais. C'était sans doute l'un des trailers les plus attendus, voire le plus attendu. Donc, pour remettre dans le contexte, il y avait, je ne dis pas de bêtises, jeudi, je crois. La Star Wars Celebration, tu peux le dire comme ça. À Anaheim en Californie. Ouais. En Californie, donc en gros convention Star Wars, donc elle était très attendue vu le contexte dans la mesure où Star Wars 7 sort au mois de décembre, avec une sortie mondiale d'ailleurs. Donc on attendait pas mal d'infos, pas mal de monde, et donc on a eu du monde, hein. On a eu une partie du cast de Star Wars avec Mark Hamill, Carrie Fisher et les autres acteurs, et on a eu surtout le trailer de Star Wars qui a fait un buzz monstre. Donc j'ai lu là que apparemment en l'espace de 24 heures le trailer a dû être vu 80 millions de fois. Ouais, quand tu cumules toutes les sources Facebook et tout ça. Ouais. 80 millions de fois, et le plus hallucinant, c'est que du coup suite à ce trailer là, apparemment, si j'ai bien compris, la valeur de Disney a augmenté de 2 milliards. 2 milliards, ouais, c'est ça. C'est 2 milliards. Hallucinant. Parce que ça fait, c'est la projection par rapport aux recettes présumées du film et produits dérivés, les retombées, voilà, pour être estimé à 2 milliards. C'est hallucinant, quoi. Voilà. Bon, en dehors de ça, de ce phénomène, de cet événement et tout ça, le trailer. T'en as mis partout. T'en as mis partout, ouais. Énorme, nous dit Arnaud. Et Byron? Moi, je l'ai vu, mais. Je suis pas énorme fan de Star Wars, okay. Quoi. J'irai le voir, mais. Voilà, moi, je suis exactement comme Byron. Pourtant, je suis fan de Star Wars, mais alors, rien à battre. Choui, vous êtes nul. Ça m'a laissé froid de chez froid. T'as pas de cœur. Le Choui, we're home, c'est le truc qui m'a peut-être le plus laissé froid de tout le trailer. Ouais, c'est vraiment le truc que tu sens que c'est. Ah, ouais, c'est vraiment le truc, mais alors, je me suis dit, mais. Ok. Ça fait très Disney quand même, on peut pas se le cacher, quoi. Oh non! Le Chewie, oh, we're home, franchement. Oh non! En plus, Papy Brossard, là, qui. Non, c'est pas possible. Non, j'ai pas aimé ce trailer, voilà. Cette réplique m'a semblé un peu forcée et un peu tombée de nulle part dans ce trailer. Les fans hardcore aient tremblé face à ça, mais alors moi. Non, la bande annonce est super efficace, quoi. C'est nul. C'est des bandes annonces dignes. Et même sans sans cette phrase là, tout ce qui est présenté avant, ça t'annonce des choses. Faut pas oublier, il est pas appelé trailer, c'est un teaser. C'est juste encore pour t'annoncer des choses. Le teaser, il annonce des choses, hein. Ça t'annonce quoi? Que Luke est le fils de Darth Vader? Ou? La première image avec le vaisseau complètement écrasé, ou ce genre de choses. C'est des petits points. Ouais, non, rien. Rien de plus que dans la première vidéo de 15 secondes. Rien. Non, celle-là, elle servait à rien. Bah voilà, bah, pour moi, elle servait à rien. La première servait à rien, mais celle-là, tu vois quand même plus de trucs, quoi. Bon, ok, tu sais pas quoi ça fait le scénario, mais tu vois déjà ce que ça va donner. Puis, franchement, pour les fans de... Enfin, les fans de... Oui, les fans de Star Wars... Même, on voit pour la première fois le méchant. Oui, le d'accord. Site. Oui, et il est quand même... Il a l'air hyper badass. Il me fait autant l'effet que Darth Maul, si. En effet spéciaux, ça a l'air dantesque. De quoi? Non, rien, j'ai pensé à une blague. Non, mais ne pense pas à une blague, s'il te plaît. Non, franchement, il y a plein de trucs, quoi. Ça me fait plus penser à l'ancienne. Enfin, tu vois que ça va être déjà dans l'idée de l'ancienne trilogie avec les décors naturels et tout ça, comme tu avais dit Abraham. Mais, ça donne envie. Puis les réactions, quand même, étaient assez unanimes sur les réseaux sociaux, quoi. Non, il y en a qui n'ont pas, aimé. Enfin, en majorité. En dehors des deux qui n'ont pas de cœur. Ouais. Voilà. Non, moi ça m'a pas touché du tout. Pourtant, j'adore Star Wars, hein, et j'attends vraiment ce film. Mais là, non. Ça n'a pas augmenté du tout mon intérêt. Au contraire. C'est nul. Bref. On va passer à un autre trailer qui, lui, par contre, m'a vraiment branché, Clément. Il est sorti au... Bah, en fait, on a vu la deuxième. Il est sorti lundi ou mardi, celui-là. Lundi ou mardi. J'étais agréablement surpris, j'attends pas grand-chose. Et ça a l'air plutôt fun, quoi. Ça a l'air d'avoir pas mal d'humour. On va le dire, hein, c'est le trailer d'Ant-Man, pour ceux qui n'ont pas compris. Le trailer d'Ant-Man, pardon. Ça a l'air plutôt fun, quoi. Moi, la toute dernière scène de la bande-annonce m'a fait marrer. Ouais. Enfin, le coup du train, franchement, j'ai trouvé ça... Ah bah ça oui c'est oui ça, bah c'est devenu un mème. Ouais, ça m'a fait rire, quoi. Donc non, ça a l'air plutôt sympa. Je pense que je vois mal comment ils vont peut-être pouvoir bien intégrer ça dans le MCU. Enfin, je pense pas Enfin, je sais pas, je pense que ça sera assez quand même détaché des autres films, mais non, ça a l'air sympa. Ouais, enfin voilà, moi ça m'a emballé, ça m'a un peu rassuré face à certaines inquiétudes qu'on pouvait légitimement avoir. Et voilà. Les effets spéciaux, ils ont Marvel, voilà, a bien bossé son truc, et ils ont bien montré dans ce trailer, quitte à insister lourdement sur les changements de taille du personnage qu'ils savaient le faire. Donc non, moi ça m'a, je sais pas, il y a un petit truc dans le film de fun qui me branche vraiment. Arnaud, Ouais, comme ouais, quoi, ça moi, je m'a suis un peu rassuré. rassuré. Un peu rassuré, Byron aussi. Ok, alors on va faire un truc qu'on n'a encore jamais fait. On est dimanche 19 quand on enregistre l'émission. Et en fait, il y a un trailer qui vient de tomber. C'est un nouveau trailer Ah. de Fantastic Four. Sérieux? Ouais, je viens de le voir, Donc je ouais. vous envoie le lien tout de suite. On va Ouais. le regarder et puis on en parle. Voilà, donc, de retour après avoir vu. Alors? Ça va. Enfin, c'est pas ce... C'est vraiment différent du comics, quoi, Ouais. mais... Il a l'air vraiment, enfin, franchement, moi, ça va être cool, quoi. Ce sera sûrement Ça a pas le l'air film de sérieux. l'année, mais il va être bien, quoi. Ouais, Enfin. un bon film de SF. Ouais, comparé à ce que tout le monde, aux craintes que tout le monde avait, mais, enfin, les bandes annonces, ça me rassure un peu. C'est un peu comme Ant-Man, quoi. Ok, Arnaud? Alors, d'une, le trailer est mal monté. C'était quoi ces affreux moments de 3 secondes là? Parce que ça sert à Oui, il y a quoi? eu un Ça sert moment où à je me suis dit rien. merde, ma vidéo elle a bugué, et en fait non. Non, c'est juste mal monté. Sinon, il a l'air plutôt sympa. Pour un bon film d'action bourrin, ça a l'air sympa. Ouais. Mais ça a pas du tout l'air d'être un Fantastic Four. Je ne Oui, vois voilà, c'est ça. absolument pas ça comme Fantastic Four. Je ne vois absolument pas les acteurs jouer les personnages des Fantastic Four. Mais là, si on prend en dehors de l'univers Marvel, il peut potentiellement être pas si mauvais. C'est ça. Bah, en même temps, enfin, ça fait vraiment Fantastic Four, quoi. Il leur arrive un Ah bon? accident, ils ont des pouvoirs. La Bah, seule je différence, suis c'est pas que c'est sûr que pas ça une... soit. Enfin, c'est bizarre, ils sont attachés sur leur table là. Alors est-ce qu'ils ont déjà eu l'accident qui déclenche leur pouvoir, ou alors est-ce que c'est une expérience volontaire qui va donner leur jeu? Enfin, c'est bizarre. Moi, je pense que ce C'est sera cette quand même, ils séquence. auront un accident, mais je veux Peut-être dire, que ouais. mis à part le fait qu'ils sont pas dans la famille, quoi, ils me paraissent, enfin, c'est vraiment pas une famille, ils se connaissent pas, quoi. Ils ont 12 ans, excuse-moi. Bah alors moi Bah, des quatre c'est Jamie Bell The Thing qui me motive le plus dans les quatre. la chose, elle rend bien, je trouve. Ouais, Ouais, le bien, The ouais. Thing est pas mal rendu, et puis donc du coup voilà, petite préférence pour ce personnage dans les quatre. On a un petit aperçu de Doom Ouais. au Ouais. passage, avec sa cape, avec son masque, etc. Bon, Moi, je l'attendais derrière un écran, bah voilà, bah en non, train de troller tout le monde. surprise, il a sa tenue et tout. Bon. Et bah pourquoi pas. À voir. Ça remonte un tout petit peu mon intérêt pour ce film, on va dire, ce trailer. On va le descendre moins. Bon, peut-être en faisant plus attention alors. Allez, on va reprendre le cours normal de l'émission après cette petite interruption, on va dire. Et on va reprendre avec personne, avec moi donc, puisque Olivia Munn jouera Psylocke dans X-Men Apocalypse. Bon, bah voilà, un nouveau personnage encore, un nouveau mutant. Ils vont tous avoir au final 1 minute de moyenne de temps de présence à l'écran, tellement il y en a. Puisque en plus, Clément, on a appris que. Havok sera de retour. Donc on a vu le personnage très brièvement dans X-Men Days of the Surface. Il était beaucoup plus présent First Class. dans First Class. Et Ouais. donc il sera toujours interprété par le même acteur, donc Lucas Steele, je crois. Ouais, Lucas Steele, ouais. Steele. C'est ça. Ok. Arnaud, un nouveau projet? Oui, après justement après X-Men First Class et Kingsman, il paraît que Matthew Vaughn serait en discussion pour réaliser un nouveau film Flash Gordon, après le film des années 80 et une série au début des années 2000. Il voudrait, alors on ne sait pas si c'est un reboot ou la suite du film des années 80, mais apparemment il y aurait un projet de nouveau film Flash Gordon. Bon. Et puis dernière news ciné, toujours Arnaud, un petit cri du cœur. Oui, alors que tout le monde voudrait, je pense, un film solo Hulk, hein, parce que tellement Ruffalo est génial dans Ouais. Avengers, et ben ça n'arrivera sans doute pas, en tout cas pas tout de suite, parce que Marvel Studios n'a pas les droits pour un film solo. Ils ont les droits pour utiliser le personnage dans d'autres films, mais les droits solo appartiennent toujours à Universal, qui veut pas les lâcher. Et donc, s'ils font pas de film d'ici la fin du contrat, les droits reviendront à Marvel. Mais on ne sait pas de quelle durée dure le contrat. Si on se base sur la Fox avec les Fantastic Four, c'était 8 ans. Le dernier film Hulk date d'il y a 7 ans. Donc, soit les droits reviennent bientôt, soit les droits sont un peu plus longs que 8 ans, soit Universal va bientôt faire un film Hulk. On sait pas. Mais en tout cas, le film solo Hulk, c'est pas pour tout de suite. Et Universal veut pas lâcher les droits parce que si Universal revend les droits à Marvel, ils ont plus le droit d'utiliser le personnage dans leur attraction, dans leur parc d'attraction. Ah, ça c'est dur. Et quitte à passer pour un vieux con, moi j'en veux pas du film solo Hulk. Ça m'intéresse pas. Ouais, même si j'adore Mark Ruffalo et tout, non. Après, j'ai pas trop de sympathie pour le personnage, donc c'est peut-être pour ça. C'est parce qu'il est vert, ça ? Ouais, non, même pas. Pas tout en hiver. Allez, on va passer du côté de la télé sans faire attention à ça. On va passer du côté de la télé maintenant avec une confirmation qui est tombée cette semaine, puisque Howard Stark deviendra bien en effet Pasteur. Dominic Cooper rejoint bien le projet DMC pour la série Preacher et sera donc le révérend Jesse Custer dans la série. On a également appris que Elizabeth Perkins rejoint la série. Et puis Arnaud, on a parlé la semaine dernière d'un projet de spin-off concernant Agents of S.H.I.E.L.D., ce qui pousserait donc à 3 le nombre de séries, et si ce n'était pas terminé. Peut-être 4e, apparemment, ABC développerait avec John Ridley, l'auteur, producteur de 12 Years a Slave et le showrunner de la série American Crime sur ABC, serait en train de travailler sur une nouvelle série Marvel pour ABC, qui serait un nouveau projet qui serait la réinvention d'un personnage Marvel. On ne sait pas plus. Mmh. Preuve que Clément est de retour, vous avez peut-être entendu un petit son de Skype dans les secondes précédentes pendant qu'Arnaud parlait, c'est simplement Clément qui nous a mis un petit message, une partouze de série, voilà. Ça méritait d'être dit. Allez, dernière news télé, elle est pour toi Byron, et elle reste du côté d'ABC. Oui, puisque Maria Hill va retourner dans la série Agent of S.H.I.E.L.D. Elle a en effet confirmé via une récente interview qu'elle allait... pas participer à la série. Voilà. Donc, certainement d'ici la fin de saison, peut-être dans les événements liés à Avengers, pourquoi pas. Voilà, c'était donc notre dernière news télé, qui conclut donc l'émission du mag de cette semaine, mag un petit peu spécial, puisqu'on avait toutes les news sur nos écrans dans le programme habituel. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette formule, hein, pourquoi pas retenter l'expérience à l'avenir. Je vais vous donner maintenant les prochains rendez-vous. Tout d'abord, ce soir sur Pod Radio, vous retrouvez notre Padawan édition consacrée à Lazarus, la pâte dernière en date donc. Jeudi, on se retrouve donc pour sur nos écrans numéro 12 avec non pas l'actu ciné télé, mais bien le débrief de la série Daredevil. Et mardi prochain, c'est le Mac numéro 13 qui vous attend. D'ici là, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.